إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre sixième assise autour de ces cours sur le manhaj avec des questions-réponses posées à son éminence Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى. Et nous sommes dans la deuxième partie de ces questions-réponses sur le manhaj, qui sont dont le titre est « Les règles du comportement à avoir vis-à-vis de la sunna, des gens de la sunna et des gens du faux ». Et avec la treizième question. « Ahsan Allahu ilaykum wa baraka fikum. » وهذا سائل يسأل يقول في كل زمان يفارق أهل الحق عن غيرهم ويتميزون بأمور، فكيف نفرق اليوم بين أهل الحق وغيرهم؟ Et la question, la treizième question posée à Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, celui qui pose la question, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, qu'il vous bénisse, en tout temps, on fait la différence entre les gens du vrai et les gens du faux. Et les gens du vrai se particularisent avec certaines choses. Comment aujourd'hui faire la différence entre les gens du faux et les gens du vrai? يقول حفظه الله يا بني في الحقيقة ما أظنني آت إياك بجديد. يا بني في الحقيقة ما أظنني آت إياك بجديد. أهل السنة هم الذين على السنة، ومستندهم في ذلك ومحل فقههم في ذلك هو الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح، وإن شئت فقل فقه الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح. هذا أولا. Il dit: Oh fiston, en réalité je ne crois pas que je vais te ramener quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Les gens de la sunna, ce sont ceux qui sont sur la sunna. Et leur appui et leur source en tout ça, et le point de leur compréhension, de leur jurisprudence, c'est leur livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, et selon la voie des puiseurs. Et si tu veux dire comprendre le livre d'Allah et la Sunna selon la voie des puiseurs, ça premièrement. يقول حفظه الله فليس عند أهل السنة إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وإمة الهدى من بعدهم من بعدهم. ليس عندهم شيء يتحفون به الناس تطويرا مسايرة للعصور. لا، لماذا؟ لأن السنة هي السلفية. Il dit حفظه الله تعالى les gens de la sunna n'ont rien, ils n'ont que Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, les imams de la guidée après eux ont dit. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas autre chose à offrir aux gens. Quelque chose qui va avec le siècle, qui va avec le temps, quelque chose qui évolue ou quoi que ce soit. Non. Car la sunna, c'est la salafia, il dit, hafidhahullah ta'ala. Yaqul, wa salafiyatu lam yu'assisa ahadun min al-bashar. هي من عند الله سبحانه وتعالى جاءت بها النبيون والمرسلون بدءا من نوح صلى الله عليه وسلم وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على الجميع وآدم من قبل من قبل من وآدم من قبل نوح كان نبيا مكلما عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم يقولون أول الرسل نوح لأنه أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. Il dit, Habidallahu ta'ala, et la salafia n'a pas été fondue par quelqu'un parmi les humains. La salafia vient d'Allah Azza wa Jal. C'est les prophètes qui ont transmis, les prophètes et les messagers qui ont transmis, qui ont ramené la salafia. D'où, par révélation de Allah Azza wa Jal, en commençant par Nuh alayhi salatu salam et en se terminant par Muhammad, en se terminant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la prière est surtout les prophètes alayhi salatu salam. Et Adam avant Nuh était un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala parlait alayhi salatu salam. Mais les hommes de science disent que le premier des messagers c'est Nuh alayhi salatu salam, car il est le premier prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. يقول حفظه الله ولهذا فإن السلفيين أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين وذلكم الميزانان هما النص والإجماع فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان ثم هذا الموافق لنص أو إجماع قد يكون من أهل السنة وقد يكون من غيرهم. Et cher de nous dire, Habidallahu ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, le préserve et allonge sa vie dans son obéissance, il nous dit, et les salafis, ça c'est que les salafis, qui sont les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les gens du hadith, les gens qui suivent les preuves, le groupe sauvé, la fraction victorieuse, pèsent les paroles des gens et les actes des gens avec deux balances. Et ces deux balances sont le texte et le consensus. Celui qui est conforme à un texte ou un consensus, on accepte de lui. Et celui qui est en divergence avec un texte ou un consensus, on lui refute. Hein? Il reçoit les réfutations, qu'il soit qui il est. Peu importe qui il est. Et celui qui concorde dans les actes et les paroles concordent avec un texte ou un consensus, il peut être parmi les gens de la sunna comme il peut être parmi les autres. يقول حفظه الله فإن كان منهم فإنه يكبر في أعينهم ويعظم في قلوبهم لأن هذا هو الرابطة بينهم وبين الناس فكلما كان الرجل مكينا في السنة قويا في الذب عنها وعن أهلها والنصرة لها ولأهلها كلما كان في أعينهم عظيما كبيرا. Et il dit, Habidallahu ta'ala, et donc quand il fait partie des gens de la sunna, dans ces cas-là, cet homme qui concorde avec le texte et le consensus, il devient grand à leurs yeux, il lui donne de l'importance, il lui donne un grand respect, car c'est là le point d'union entre eux et les gens, c'est-à-dire le fait d'être conforme au texte et consensus, c'est ce qui les lie avec les gens. Et plus l'homme est fort dans la sunna, est confirmé dans la sunna, et il est fort dans le fait de défendre la sunna et les gens de la sunna, et de faire triompher la sunna et les gens de la sunna, plus il a de l'importance à leurs yeux, plus il le respecte, plus il l'honore, il lui donne des honneurs. يقول وإن كان من غير أهل السنة فيقبلون ما جاء به من الحق لكن لا يركنون إليه ولا يطمئنون إليه لأنه غريب عنهم لكن وافق في قوله وفعله ما عندهم فهم لا يقبلون منه الحق لذاته لا بل لموافقته السنة. Et s'il fait pas partie des gens de la sunna, ils acceptent de lui la vérité qu'il a ramenée, mais ils se penchent pas vers lui. Ils ne sont pas qui à lui, ils ne lui font pas confiance, car il est étranger à eux. Mais tout simplement, dans sa parole, dans son acte, il a concordé avec ce qu'ils ont. Donc, il n'accepte pas la vérité de lui parce qu'il est tel, mais il accepte de lui la vérité parce que cette vérité est conforme avec la sunna. Tout simplement. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, il dit, pour beaucoup de nos frères, et surtout là-bas à Bruxelles, vous êtes éprouvés par le déluge de ceux qui sont en divergence avec la sunna, et qui ont l'apparence de la sunna, hein, il faut faire très attention. Hein, on ne peut pas s'asseoir avec, même s'ils disent la vérité, on ne peut pas grandir leur nombre, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas ce qui va s'attacher dans nos cœurs. Il y a tel point maintenant que Tu entends des jeunes de Bruxelles et tu dis, mais il n'y a aucun mal au fait d'aller assister à ce qui se passe à Masjid Tawhid. On entend Al-Albani a dit, Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Utaymin a dit, et ainsi de suite. Mais bien sûr, est-ce que tu crois, toi, frère en Allah, Azzawajal, qu'un innovateur va te dire, va te parler avec l'innovation, et il va te citer, que tu crois que pour appâter les gens et pour les avoir dans les filets, il va te citer Adnan Al-Aur, ou Hamd Sallam ou autre, hein, qui font leurs conférences dans ces mosquées comme Masjid Tawhid et autres, Abadan Akhal Islam. Mais pour t'attraper, il va t'attraper avec ceux que tu respectes parmi les hommes de science. Ça, il faut faire très attention. C'est pas parce que quelqu'un, dans une parole, dans un acte, il conforme aux gens de la Sunna, qu'on le suit, Akhal Islam, Abadan, il faut qu'il soit parmi eux. Et non pas quelqu'un qui est connu d'être en divergence avec eux. Et qui les critique. Hein? Faut faire la différence, ikhwat al-islam. Parce que le fait de ne pas décerner, le fait de ne pas faire la différence, regardez où est-ce qu'on tombe. Et regardez ce qui arrive à beaucoup parmi nous. Regardez, il sort d'une ambiguïté pour tomber dans une autre. Il ne fait que ça. Hein? Faire très attention. Et maintenant, la situation est encore plus énorme, nous devons encore être plus vigilants, car beaucoup parmi ceux que nous croyons qu'ils sont sur la même lignée que nous, maintenant on s'en rend compte qu'ils font une mouazanat sur le Mghraoui et sur d'autres, dans des assises privées ou sur des écrits ou sur des mails privés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Yaqul. Et je reviens aux paroles de Cheikh Ubaid qui dit, il y a un autre point qui est Il dit, il y a un autre point essentiel, c'est que le sunni, même si certains hommes de la sunna sont durs avec lui, lui il les aime, il les défend, il leur fait des doigts, et il appelle les gens à s'attacher à eux, à aller à leurs assises, il lie les gens à ces hommes de la sunna, même s'ils sont durs avec, mais ils ne se séparent pas d'eux. Même s'il y a entre lui certains hommes de la sunna ou certains gens de la sunna une certaine dureté ou certains le mettent un peu à l'écart ou quoi que ce soit, il envoie les gens vers eux, il renforce les liens des gens avec eux, car ce qui les unit et le point d'union entre eux, c'est la religion sincère pour Allah, cette religion pure, cet islam pur. Ils se sont réunis pour Allah, ils aiment. Comme ils se sont réunis pour Allah, ils aiment se séparer pour Allah aussi. Comme ils ont aimé se réunir pour Allah, ils aiment aussi se séparer pour Allah. أما المبتدع فليس على ذلك هو يناصب أهل السنة ومن يواليهم العداوة ويظهر بغضهم والنفرة منهم ويحقر شأنهم ويسعى جاهدا في فصل الناس عنهم هذا ما يمكن قولي هذه اللحظة جوابا على سؤالك. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, quant à l'innovateur, il n'est pas sur cette même voie. Il n'est pas ainsi. L'innovateur, il fait la guerre aux gens de la sunna. Et ceux qui s'allient aux gens de la sunna, il a l'animosité, il a haine contre ceux qui s'allient aux gens de la sunna. Et il montre comme quoi il déteste les gens de la sunna. Il fait éloigner les gens de la sunna. Et il rabaisse leur situation, il les rabaisse aux yeux des gens. Il fait tout ce qu'il y a dans son possible et dans ses moyens pour les séparer des gens, pour séparer les gens des gens de la sunna. Il dit, c'est ce que je peux te dire maintenant à cet instant en réponse à ta question. يقول السائل وهذا السؤال الرابع عشر جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وهناك سائل آخر يقول عندكم هنا في السعودية بعض المؤسسات الخيرية يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية مع جهلهم بمناهج هذه وعلمهم بفساد مناهجهم فما حكم مراسلتهم لهذه المؤسسات. Avant de traduire la question, La question, il s'agit des associations. Ces associations qui ont pourri beaucoup parmi les demandeurs de science à travers le monde musulman. Et qui sont la source de cette énorme fitna qu'on maintenant vit. On vit maintenant à travers le monde. La fitna de Ali Hassan, la fitna de Sheikh Yahya, la fitna de l'Mghraoui et tout ça. Qui est derrière tout ça? Ihya al-Turat, Jam'iyat al-Birr. Tout ça. Ces associations qui ont pourri la vie avec leur argent à Ali Hassan et à tous ceux qui sont sur son sa voix, ainsi qu'à l'Mghraoui et d'autres. Donc, et la question concerne les associations ici. La question, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de son bienfait. Voici une autre question de quelqu'un qui dit: vous avez en Arabie Saoudite certaines institutions de bienfaisance. Et les frères chez nous, c'est-à-dire au Maghreb, ont une correspondance avec eux pour avoir des livres religieux. En ignorant les voies de ces associations, de ces institutions, ou en sachant les mauvaises voies sur lesquelles sont ces associations. Qu'est-ce qu'il en est de la sentence sur leur correspondance et leur relation avec ces institutions de bienfaisance? Yaqulu hafidhahullah, awwalan, al-haqq haqqun, wa yu'attilu fi zaman wa la makan. Ma dama annahu yustanaddu 'ala al-kitab wa as-sunnah fa huwa haqq. وإن كان الحق يقوى نصرة واتباعا في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة هذا لا شك فيه لا شك عندنا فيه لكنه حق وإن لم يكن عليه إلا رجل واحد أو امرأة واحدة هو حق il dit حفظه الله تعالى premièrement la vérité c'est la vérité ni le lieu ni le temps vont influencer ils vont changer la vérité tant que cette vérité sa source c'est le livre d'Allah et si la sunna ça c'est la vérité. Et il dit, en certains lieux et en certains temps, la vérité va avoir de la force. Il va avoir beaucoup de disciples. Et il va être triomphante. Il dit ça, il n'y a aucun doute chez nous. Mais c'est la vérité. Même si il n'y a qu'un seul homme sur cette vérité ou une seule femme sur cette vérité, c'est la vérité. يقول ومصداق هذا ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم قال فرأيت النبي ومعه الرات والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد الحديث يقول ولا يشك مؤمن ولا مؤمنة أن النبي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أنه مبعوث إلى أمة أليس كذلك؟ هل هذا النبي الذي رآه أخوه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هل بعث إلى نفسه أو إلى أمة؟ إلى أمة لكن ما أجابته؟ Il dit, est-ce qu'il donne la véracité à ceci, c'est ce qui a été rapporté par Sheikhan, c'est-à-dire l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il a dit d'Ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agré, du prophète alayhi salam, quand il a vu les communautés, quand les communautés ont été exposées à lui, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'ai vu le prophète, il y a une personne avec. Il y a deux ou trois personnes avec. Et le prophète, il a un homme avec. Et le prophète, il a que deux hommes avec. Et un prophète, il n'y a personne avec. Le hadith, il cherche de nous dire, Hafidhahullah ta'ala, et aucun croyant, ni une croyante, ne doute que ce prophète, qu'avait le messager, alayhi salam, a été envoyé à une communauté. Tout le monde a la certitude sur ceci, n'est-ce pas? Est-ce que ce prophète, qu'avait son frère, Muhammad, alayhi salam, tout seul, est-ce qu'il a été envoyé à lui-même ou à une communauté? Il n'y a aucun doute, la réponse c'est à une communauté. Mais sa communauté ne lui a pas répondu. يقول ولهذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في مسائل الباب الذي أورد فيه هذا الحديث قال إن من لم يجب أحد من الأنبياء يبعث وحده قال يحشر وحده وقال رحمه الله في استنباطه المسائل عمق هذا العلم فإنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. Il dit, Habdallah Ta'ala, c'est pour ça que le Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, a dit, concernant le sujet de ce chapitre, quand il a ramené ce hadith, il a dit, celui parmi les prophètes, qui a été envoyé parmi les prophètes et personne ne lui a répondu, le jour de la résurrection, il arrivera tout seul. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde en extrayant ce qu'il faut extraire à ce niveau-là. La profondeur de cette science, c'est qu'il ne faut pas, hein, laisser de côté le peu, il faut pas les négliger le petit nombre. Et comme il faut pas se faire avoir par le grand nombre. Il dit, il n'est pas permis de négliger le petit nombre. Comme il ne faut pas se faire avoir par le grand nombre. يقول وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Il dit حفظه الله تعالى, et combien il est belle cette parole qu'avait dit le فضيل بن عياض رحمه الله تعالى, crampons-toi à la voie de la guidée et hein, ça te fera aucun mal le fait qu'il y a peu de gens qui sont sur la voie de la guidée. Et attention au chemin de l'égarement, il ne te fait pas avoir par le grand nombre de ceux qui vont périr. يقول حفظه الله فإذا تقرر هذا ووعيتموه بارك الله فيكم فاعلموا أن الباطل باطل فلا يرفع الزمان ولا المكان سواء كان في المدينة أو في مكة أو في أي مكان أو في أي زمان هو باطل وسواء كان متبعه ملايين أو أحد من الناس هو باطل. Il dit, si tout ceci est confirmé dans vous et que vous l'avez compris que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, sachez que le faux c'est le faux et que ni le temps ni le lieu que ça soit, ne vont élever le faux. Que ce soit à Médine, que ce soit que ce faux existe à Médine, là existe à Mecca, il sera toujours le faux. Et à n'importe quelle époque, il va rester toujours le faux. Que ses disciples sont, se comptent par millions, ou que si une seule personne, ce sera toujours le faux. Yaqul, falais sal katratu musawwirata l'ittiba'. مسوغة الاتباع ما هو باطل معلوم بطلانه كما أن القلة ليست مسوغة مجانبة ما هو معروف أنه حق. Il dit حفظه الله تعالى, et le grand nombre ne te permet pas de suivre ce qui est faux. Dire si un grand nombre est dans le faux, ça ne te permet pas de les suivre. Quelque chose qui est connu étant faux, tu ne dois pas suivre parce qu'il y a un grand nombre. Et aussi le petit nombre ne doit pas, hein, te faire, le petit nombre ne t'aura pas éloigné de la vérité, de quelque chose qui est connu de la vérité. C'est un peu nombre, un petit nombre est sur la vérité, mais tu dois être avec eux. Tu ne dois pas t'en éloigner parce qu'ils sont peu. Et de l'autre côté, si les gens du faux sont nombreux, tu ne dois pas les suivre parce qu'ils sont un grand nombre. يقول فإذا تقرر هذا فإن سؤالكم يحتوي أولا على مراسلة مؤسسات. Il dit si ceci est confirmé, donc votre question, il concerne le fait de correspondre avec des institutions. أقول الاستشهاد بمؤسسات أو جماعات أو أفراد بحجة أنها دعوية لا يكفي دعواها أنها دعوية بل لا بد من الخبرة التي تكشف حال ما عليه هذه المؤسسة أو الجماعة أو ذلكم الفرد حتى يمكن الحكم بأنه على هدى أو على ضلال. فمجرد الاسترشاد والاستشارة بالشهرة والديوعة والشيوعة هذا ليس كافيا, لا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الساحة فيه تعج بالخبث الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله وعصمه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إلدي حفظه الله تعالى. Le fait de correspondre avec ces institutions, ou d'aller chercher des orientations ces institutions, ou ces groupes, ou ces individus, prétextant qu'ils sont des institutions de la da'wah ou des individus de la da'wah, ceci n'est pas suffisant pour prouver leur prétention qu'ils sont des institutions ou des individus de la da'wah. Il faut, hein, découvrir leur situation. Il faut savoir sur quoi sont basées ces institutions, ces groupes et ces individus pour qu'on puisse les guider, les juger. Est-ce qu'ils sont sur la guidée ou ils sont dans l'égarement? Car le fait tout simplement d'aller chercher des orientations ou de demander des conseils parce que telle institution, elle est réputée, elle est connue, hein, ceci n'est pas suffisant. Ceci n'est pas suffisant. La répétition n'est pas suffisant pour qu'on puisse aller demander à des gens ou la demander à des institutions. Et surtout à notre époque où le terrain il est plein d'impuretés maintenant et n'est épargné de ces impuretés que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a épargné. Hein? Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé avec la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ceci premièrement. Donc si l'on sort, Cheikh il a parlé des institutions, il a parlé des groupes, donc des associations aussi, yak, et des individus aussi. C'est pour ça, nous ne devons pas à chaque fois, dès qu'on entend quelqu'un, Inna alhamdulillah, inhamadou, on tombe comme des mouches. La yakha l'islam, on doit savoir d'abord. Dès qu'on entend quelqu'un, il nous cite les belles paroles de nous, des grands machaïr, et des hommes de science, des montagnes de science de notre monde, comme Cheikh Nasser, rahimahullah, et Cheikh Al-Fawzan et autres, et d'autres éminences. Là, il faut connaître la personne, c'est quoi sa voix, c'est quoi sa aqida. Il faut se renseigner avant. Ça ne suffit pas. On est dans un monde, hein, dans un monde qui est couvert de déluge d'ambiguïté. Et ça ne cesse pas. Chaque jour, nous avons des tendances. Hada, il veut te drainer vers une dawa de théâtre. Hada, il veut te drainer vers une dawa d'anachid. Hada, il veut te drainer vers une dawa des armes. Et ainsi de suite. Et tous, il ne vient pas directement. Il passe par l'imam al-Albani a dit, l'imam ibn Baz a dit, l'imam al-Utaymin a dit, rahmatullahi alayhim jami'an, et ainsi de suite. Il te vient par des paroles d'hommes de science. Et des fois, ils respectent les paroles et les ramènent. Des fois, ils ont pu, et ils traduisent comme ils veulent. Yaqulu hafidhahullah. Wa thaniyan, tadammana su'alukum anna al-nas al-mustarshidin bihadi al-mu'assasat wa mu'assasat. Il dit deuxièmement, il apparaît dans votre question, il contient que ceux qui demandent des choses à ces institutions, à cette institution ou à ces institutions, sont de deux catégories. Sinfun ya'lamuna fasada manhaji tilka al-mu'assasa ou dhalika al-mustarshad bih wa anna manhajahu munharif fala adri ma yabghi haula min ahli al-inhiraf alladhina taqarrara 'indahum bid-dalil anna tilka al-mustarshad biha aw dhalika al-mustarshad bihi mahkumun 'alayhi bid-dalal manhajan fahadha in kana min ahli al-ahwa fala gharabata fat-tuyuru 'ala ashkalaha taqa kama yaqulu al-matal wa in kana jahilan wa huwa as-sinfu ath-thani fayajibu 'alaykum tabsiruhu wa munasahatuhu kama yajibu 'alaykum dilalatahu 'ala ahli as-sunnati al-khalin min شوب البدعة في العقيدة والمنهج. Il dit, حفظه الله تعالى. Il y a une catégorie parmi ces gens qui savent comme quoi ces institutions sont sur une mauvaise voie. Ou cet individu ou cette institution vers laquelle on cherche des, vers la, à laquelle on demande des orientations des livres, que leur voie est une voie de l'égarement. Il dit, je ne sais pas dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez les gens de la déviance et de l'égarement? Puisqu'il est confirmé chez eux avec preuve que ces institutions ou cet individu, leur sentence c'est, les gens de la sunna c'est l'égarement, leur voix est une voix de l'égarement. Il dit dans ces cas-là, c'est cette personne qui agit ainsi et fait partie des gens de l'innovation, des passes qui suivent leur passion, c'est pas étrange. Car les oiseaux vont tomber sur leur similaire. C'est-à-dire, l'oiseau ne va pas aller avec d'autres. Il va avec ceux de sa race et ceux qui sont comme lui, comme le proverbe le dit. Il dit, mais s'il est ignorant, et c'est la deuxième catégorie, celui-là, il est obligatoire de l'orienter, de lui montrer les choses, de le conseiller et de l'orienter vers les gens de la sunna qui ne sont pas connus de l'innovation, qui sont épargnés de l'innovation, que ce soit au niveau de leur croyance ou au niveau de leur voix. يقول نعم هناك أمور واضحة فلو أن صاحب بدعة أهدى إليك مصحفا لا مانع وقال لك على سبيل المثال إن جبريل أفضل الملائكة فلا مانع أو أهدى إليك تفسيرا معتمدا عند أهل السنة مثل تفسير ابن كثير فلا مانع من قبوله. Il dit حفظه الله تعالى oui, il y a des choses qui sont très claires. Si un homme de l'innovation t'offre un Coran, il n'y a pas de problème de le prendre de lui. Ou si cet homme de l'innovation il t'a dit, par exemple, Jibril est le meilleur des anges, il n'y a aucun mal dans tout ça. Il dit, si il t'offre une interprétation du Coran qui est une source valide chez les gens de la Sunna, comme l'interprétation du Coran d'Ibn Kathir. Il a dit, il n'y a pas de mal le fait d'accepter de lui. يقول فإن كان محققا فانظر هل دس فيه شيء من بدعه أو لا فإن دس فيه شيء فاحذره ولا تنشر هذا الكتاب وإن كان خاليا من الدس انشره على حاله على ما فيه ولم يغير فيه شيء ولم يدس فيه شيء فلا مانع من نشره. Et regarde maintenant ce point très important sur lequel il attire ton attention. Il dit, si maintenant cet homme de la bid'a est un authentificateur, il authentifie les hadiths. Regarde dans le livre qu'il t'offre, s'il n'a pas immiscé son innovation dans le travail qu'il a fait dans ce livre. Si maintenant il a immiscé quelque chose, fais attention à lui, il ne propage pas ce livre. Et si tu vois que le livre, il n'a rien immiscé dedans, tu peux le propager tel qu'il est. Et s'il n'a rien changé dans le livre, il n'a pas immiscé d'innovation, il n'y a aucun mal du cher du fait de le propager. يقول لكن الذي ننصح به ونشدد فيه وندين الله بأنه حق عدم تعاون مع أهل الضلال والبدع سواء كانوا جماعات أو مؤسسات أو أفراد ونعني به النشاط الدعوي فلا يستعان بهم في طبع كتب ولا منشورات لأهل السنة كذلك لا يعانون فيما هو دعم لنشاطهم الهدام ومناجهم الفاسدة حتى وإن كان مسجد وإن كان مسجدا يختص بهم وينشرون منه أفكارهم ضالة ومناهجهم الفاسدة فإن التعاون معهم في بنائه وفي دعمه بأي شكل من الأشكال عون على هدم السنة ومضارتها هي لن تهدم لكن قد يتضرر أهلها أو جل أهلها في مكان ما أما هي فلا تهدم ستبقى ولن تهدم ولله الحمد لكن يتضرر ناس ويتأثر ناس لقوة شوكة المبتدعة وهذا الصنيع يقوي شوكتهم ويبسط سلطانهم ويرجح كفتهم من حيث تشعرون يا أهل السنة أو من حيث لا تشعرون. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et je veux bien que tu ouvres tes oreilles à ce passage, il est très important. Ouvre bien tes oreilles, frère en Allah, Azzawajal, et sur en Allah, Azzawajal. Il dit, mais on conseille et on est ferme, et c'est notre religion, hein, et c'est ce que nous prenons comme religion et comme vérité, le fait de ne pas aider les gens de l'égarement et de l'innovation, qu'ils soient des groupes, ou des instituts, ou des institutions, ou des individus. Il veut dire par là, on ne les aide pas dans leurs activités de la da'wah. Et on ne va pas chercher aide auprès d'eux pour éditer les livres, ou pour éditer des dépliants du genre de la sunna. Et en même temps, on ne les aide pas. Et matériellement, et on ne les aide pas dans leurs actes, qui sont des actes de destruction. Et on ne les aide pas dans leur faux minhaj. Même si c'est pour la construction d'une mosquée. Une mosquée pour laquelle ils cherchent de l'argent. Et que cette mosquée est particulière à eux, par laquelle ils vont qui va être un moyen d'où ils vont transmettre leurs pensées égareuses. Et leur voix et leur mauvaise voix, le fait de s'entraider avec eux, dans le fait de la construire ou de les appuyer de n'importe quel moyen, ceci est une aide au fait de détruire la sunna et de faire du mal à la sunna. Il dit, bien sûr, la sunna ne va pas être détruite, mais ce sont les gens de la sunna qui vont subir le mal, ou une grande partie des gens de la sunna dans un certain lieu où on aura aidé les innovateurs, là ils vont subir. Mais quant à la sunna, jamais il va se détruire. La sunna restera. Il ne se détruira pas. Et la louange est à Allah. Mais des gens vont subir le mal. Des gens vont être influencés par la force des innovateurs. Et le fait de les aider à construire un lieu ou autre, celui va les renforcer. Il va leur permettre d'étaler leur pouvoir et d'avoir plus de poids. D'où le sentent les gens de la sunna ou d'où ils ne le sentent pas. Ceci est très important à l'islam. Garde-le bien à ton esprit. Qu'on te demande de contribuer à une œuvre, sache bien, est-ce que cette œuvre va servir la sunna ou pas à l'islam. يقول حفظه الله نعم لا أرى مانعا من إسعاف مريضهم وعلاجه كان يكون سني طبيب وأتاه إخواني أو تبليغي أو أي مبتدع من المبتدعة فرأى أنه يعالجه لأنه في مستشفى لا مانع من ذلك كذلك إذا عرفت أن هذا فقير وأنه محتاج إلى قوت فلا مانع أن تعطيه لأننا نحن لم نسلب هؤلاء الإيمان بالكلية أبدا ولكن نصفهم بأنهم مبتدع ضلال Il dit, Hafdallah Ta'ala, pour qu'on ramène ce détail, pour qu'on puisse, qu'on n'ait pas d'ambiguïté. Il dit, oui, je vois aucun mal. Il fait des de secourir leur malade et de lui donner les soins. Par exemple, il y a un médecin qui est sur la sunna et on lui a amené un ikhwani ou un tablighi ou n'importe quelle sorte d'innovateur. Ok, il a à le guérir parce qu'il est à l'hôpital. Il n'y a aucun mal au fait de lui donner des soins et de... Hein? Lui donner des médicaments et de le soigner. Et s'il dit, Hafidhahullah Ta'ala, si tu connais que celui-là, il est pauvre et qu'il a besoin de nourriture, il n'y a aucun mal à ce que tu l'aides. Car il dit, nous n'avons pas enlevé la foi complète à ces gens-là. Hein? Jamais de la vie. Mais on les décrit en tant qu'innovateurs, en tant qu'égarés, tout simplement. Et je crois, puisque c'est l'heure de la prière pour vous maintenant, dans 3 minutes, on arrête là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا